Section 4, chapitre 7, 8. Chapitre 7, l'église et le cimetière. Fier à bras, la Régnoire était évidemment satisfait de l'effet produit par son éloquence. Il avait grand-peine à garder sa gravité. Des gens moins complètement subjugués que les braves paysans assis dans la cuisine du Rose auraient découvert à des symptômes infaillibles que la nature espiègle du nain allait bientôt prendre le dessus et que tout ce lyrisme devait finir en comédie. Par le fait, Fier à bras était en équilibre entre deux fantaisies. La première le poussait à prolonger cette solennelle épouvante qui serrait le cœur de son auditoire. La seconde l'excitait à faire jaillir brusquement le rire du milieu de cette terreur. La chose était malaisée, mais le nain n'était point modeste. Eût-il été nain sans cela? La première fantaisie cependant l'emporta. Il préféra le drame à la comédie. Seulement, il changea encore une fois de ton et abaissa un peu le vol de son Pégase. « Mes amis, poursuivit-il, en prenant cette voie de contour sans emphase qui n'exclut point le mystère et appelle l'intérêt, l'homme de fer sera tué. Devinez par qui? Voyons, devinez. Personne ne répond. Je vous ai fait peur avec ce soleil. Oh, je sais bien d'autres rubriques. Mais il ne s'agit ni du soleil, ni de moi, ni des relations que nous pouvons avoir ensemble. Parlons du maudit. » Le comte Otto Beringhem, qui a la barbe bleue, sera tué, non point par un tribunal de hauts barons et d'archevêques, comme Gilles de Laval, baron de Rèze, non point par les soldats du roi Louis de France, non point par les hommes d'armes de François de Bretagne, non point par la lance d'un chevalier, non point par la foudre de Dieu Tout-Puissant. Le comte Otto Beringhem, l'homme de fer qui a la barbe bleue, périra par la main d'une femme. D'une femme ? Répéta tout d'une voix l'assistance réveillée à ce coup. « D'une jeune fille, » reprit Fier à bras, « et ce n'est pas moi qui le dis. Je ne suis pas sorcier, quoi que vous en ayez, mes braves gens. Je ne suis non plus pas plus assez saint pour que Jésus ou la Vierge me révèle l'avenir. Avez-vous entendu parler d'Enguerrand le Blanc, l'ermite du Mont-Dol ? Si nous avons entendu parler du bienheureux Enguerrand, » s'écria Dame Goton. « Femme, retiens ta langue, » fit Mathurin. « De quoi? Tu m'empêcheras peut-être de dire que c'est le bienheureux Enguerrand qui a béni mon rosaire? Je dis que tu ferais mieux d'écouter, et toi tu ferais mieux de te taire. »« Patience des anges !» s'écria Mathurin sans dents, en serrant les poings. « J'ai envie. »« De quoi? De quoi as-tu envie, l'homme ?» riposta la bonne femme en prenant sa posture de combat. « La Goton, » prononça Fier à bras d'un ton sévère, « les chapelets que bénit le Saint-Ermite du Mont-Dol se changent en couleuvres dans la poche des méchantes femmes. » « Oh ! Gronda Mathurin, la femme doit avoir une couleuvre sous son tablier alors, pour sûr. » La paix. Le matin de la Noël dernière, le bienheureux Enguerrand était sur le pas de son ermitage avec sa vache blanche, qu'il appelle Alba. L'homme de fer chassait à court dans le marais. L'ermite faisait ses oraisons au pied du Mont-Dol. Une belle petite chevrette grimpa la bruyère et vint se cacher derrière la vache qui broutait à côté du saint-homme. L'ermite étendit la main. Les chiens courants passèrent au loin sans plus flairer la trace de la chevrette. Mais un cavalier monta tout droit à l'ermitage, un cavalier à la barbe bouclée, noire avec des reflets bleus comme la mer. « Je suis le comte Otto Beringhem, » dit-il. « Fais retirer ta vache, vieillard, afin que je mette les pieux dans le ventre de mon gibier. »« Tant pis pour toi si tu es le comte Otto Beringhem, » répondit l'ermite. « Ton gibier est à moi, puisqu'il est à l'ombre de ma croix de pierre. Passe ton chemin, » et je prierai Dieu qu'il t'envoie des pensées de pénitence. » L'ogre se prit à rire. « Moi, Cagot, » s'écria-t-il, « je prierai le diable qu'il t'envoie de bonnes pensées d'amusette. Fais retirer ta vache. » Comme l'ermite ne répondait point, Otto leva les pieux qui s'enfonça jusqu'au manche dans les flancs d'Alba, la vache blanche. L'ermite tendit encore la main. Les pieux sortit de la blessure et tomba à terre. Il n'y avait pas une seule goutte de sang au fer. La vache blanche continuait de brouter, la chevrette s'était couchée et soufflait. Le comte blasphéma et tira son épée, le saint ouvrit son livre d'évangile. L'épée du comte se courba au vent et se balança, elle s'était changée en glaïeul. « Oh là là !» fit Josie. « Ah, mon Dieu donc !»« Madame, madame !» s'écria Pello, « c'est-y possible ?» Et tout le monde ouvrir les yeux, la bouche et les oreilles. Mathurin et Goton s'étaient mutuellement oubliés, ce qui était le nec plus ultra de l'allégresse dans leur ménage. « En glaïeul !» répéta le nain. « Et qui fut Penaud ? Je vous le demande !» Le comte Otto jeta son épée et voulut s'élancer sur la chevrette. Le saint étendit la main pour la troisième fois. Otto recula en chancelant, comme si sa tête eût rebondi contre un mur de granit. Il n'y avait pourtant rien, les gars et les filles, rien que la volonté du saint homme qui était la volonté du Seigneur. Le comte Otto voulut alors frapper l'ermite lui-même. Son bras retomba, inerte et paralysé, le long de sa hanche. « Allons, dit-il, tu es plus avancé que moi dans la science magique, vieillard. Je te salue comme mon maître et je te fais hommage. Si tu veux venir avec moi dans mon palais des îles, tu seras honoré, choyé, adoré. Tu boiras les vins d'Italie, de Grèce et d'Espagne dans des coupes d'or. De belles jeunes filles, blanches comme la fleur d'Hélys, ou dorées comme les topazes du sceptre de Salomon qui dort au fond de la mer Persique, dénoueront les cordons de tes sandales. Un signe de ta main, 100 hommes d'armes se lèveront. La musique d'Orient bercera ton sommeil. Quand tes yeux s'ouvriront, ce sera pour admirer la danse enchantée des filles de Ptolémaïs ou de Tyr. Tu seras mon seigneur si tu veux. » L'ermite lui répondit « Va-t'en !» Et comme l'homme de fer insistait, énumérant les joies païennes de son palais des îles, l'ermite lui dit encore « Tu perds ta peine réprouvée. J'ai mieux que cela. J'ai la croix de mon Seigneur Dieu. » Le comte Otto mit un genou en terre. « Vieillard, dit-il, saint vieillard, je confesse ma faiblesse devant toi. Oublie mes menaces. Exauce ma prière. Dis-moi quelles seront ma vie et ma mort. » Le bienheureux Enguerrand ferma ses paupières et se recueillit. Pendant cela, l'homme de fer restait à genoux sur la terre mouillée. « Je le veux, » répliqua enfin le saint. « Je te dirai ta vie et ta mort. »« Or, c'est ici qu'il faut écouter, mes amis, » dit fier à bras l'arinoir en s'interrompant. « Ouvrez l'oreille et ne soufflez. » Dieu sait que les bonnes gens du Rose n'avaient pas besoin de ce stimulant nouveau. Le nain reprit. « Voici ce que le saint Enguerrand, ermite du Mondol, dit au comte Otto Beringen. « Tu t'appelles Othon, du nom de ton grand-père qui est au pied de Dieu et n'ose plus prier pour toi. Tu es réprouvé trois fois, puisque ton aïeul est injuste. Ta vie a été et sera blasphémer le fort, écraser le faible. Tu es Satan sur la terre. Quand la Vierge Marie regarde du haut des cieux, Satan foudroyé retombe au plus profond de l'abîme. Homme de fer, bourreau des femmes et des enfants, tu mourras de la main d'une jeune fille. » C'était une pauvre petite église au clocher gris et pointu, levant son coq au-dessus des ifs du cimetière. À l'heure où le nain éblouissait les bonnes gens du Rose, en leur faisant accroire qu'il commandait au soleil, la porte latérale de l'église s'ouvrit, une femme entra. Elle traversa la nef à pas lents et vint s'agenouiller devant l'autel. À part cette femme, l'église était complètement déserte. Le nuage opaque et noir qui couvrait le soleil jetait dans la nef modeste de mystérieuses obscurités. L'air humide rendait ces austères senteurs des églises, parfums perdus d'encens, sueur des dalles, haleine des vieux saints dans leurs niches de pierre. Reine de Kergariou, car c'était elle, resta un instant prosternée, puis elle fit le tour de l'autel et gagna le chœur. Au milieu du chœur, il y avait deux pierres tombales. Sur la première se lisait le nom de Messire Hugues de Morvert, sur la seconde le nom d'Aubry de Kergariou. Entre les deux tombes, il y avait un coussin, affaissé par le fréquent usage. C'est que Reine venait là tous les jours depuis cette nuit où vint le messager de deuil qui lui dit « Messire Aubry est mort ». Mort, l'épée à la main, comme un noble homme, avec un coup de lance à travers la poitrine. Oh, c'est que ça avait été une belle, une fidèle tendresse entre Aubry et Reine, depuis les jours de leur enfance, une de ces tendresses que le danger relève et qui grandissent devant l'idée de la mort. Reine se souvenait ici. Une nuit, Aubry, prisonnier, était dans la cage de granit, sous les fondements du couvent de Saint-Michel. Reine vint, malgré la mer et les sentinelles, pour lui tendre la lime qui devait couper ses chaînes et le bout de ses doigts à baiser. Que de souffrance, mais que d'espoir, souffrance guérie, espoir couronné par la bénédiction du mariage. Et l'enfant que la bonté de Dieu leur avait donné plus tard, autour de son berceau, que de larmes douces et que de chers sourires, il avait les grands yeux de Reine et les beaux cheveux d'Aubry. C'était le fils de l'amour chrétien, c'était l'héritier, c'était le trésor. Reine venait ici parler du cher enfant à la tombe de l'époux tant pleuré. Hugues de Morvert, lui, le père de Reine, était mort dans son lit, le crucifix sur la bouche. En mourant, il avait dit « Dieu sauve la Bretagne ». Et parmi les amertumes de son agonie, Le voile de l'avenir s'était soulevé. Il avait pleuré d'avance la Bretagne morte, lui, le vieux Breton, à l'heure de mourir. Rennes était agenouillée sur le coussin entre les deux dalles. Le temps s'écoulait, l'église restait déserte. Rennes priait et songeait tour à tour. Au dehors, parmi les tombes vassales du cimetière, il y avait une croix de granit noir de Fréhel. Sur la croix, on lisait « Priez pour Simonette le Priol, femme de Jeannin, écuyer ». Et des fleurs et une couronne toute fraîche, pieux ouvrage de Jeannine, qui ne laissait point passer une seule matinée sans visiter le tombeau de la mère. Comme l'église, le cimetière avait un hôte, un seul, Jeannin, le mari veuf de Simonette. Elle s'en était allée, toute jeune et toute belle, la pauvre Simonette, un soir de printemps, exhalant son dernier soupir avec les premiers parfums des fleurs de mai. Elle avait été femme dévouée et tendre. Jeannin se tenait debout sous le feuillage sombre de l'if. Sa tête était découverte. Ses cheveux blonds, que le casque ne comprimait plus, enflaient leurs boucles lustrées autour de son front pur et ferme, où pas une ride ne se montrait. La beauté singulière de Jeannin n'avait rien d'efféminé. Sa chevelure, il est vrai, eût paré même un front de femme, mais le bronze de son mâle visage dessinait fièrement les grandes lignes de ses traits. Franchise, force, vaillance, douceur, simplicité, par trop naïve peut-être, telle était l'expression de sa figure. Lui aussi tournait un long et mélancolique regard vers le passé heureux. Les mille bruits de la campagne venaient à lui sans troubler sa méditation. Il était immobile. Une larme se balançait aux cils baissés de sa paupière. Le soleil s'inclinait à l'horizon. Lorsqu'il s'éveilla de ce rêve triste et bien-aimé, il baisa le pauvre nom de Simonette sur la croix de granit. À ce moment, Madame Rennes sortait de l'église. Elle venait de baiser le nom d'Aubry sur la pierre blanche. Elle tendit la main au bon écuyer. « C'était une bonne et digne créature, murmura-t-elle. « Et qui vous aimait, noble dame, ajouta Jeannin d'une voix tremblante, du meilleur de son cœur. » Rennes regarda la croix. Elle retira sa main où l'écuyer mettait respectueusement ses lèvres. « Jeannin, dit-elle avec une émotion soudaine, ne crois pas que je déteste ta fille. « Oh, noble dame, qui pourrait penser cela ? Ne me juge pas, poursuivit Madame Rennes, comme si elle ne l'eût point entendue. N'essaye pas de me juger. Ils sont heureux, ceux qui sont là, bien heureux. » Elle montrait du doigt la terre du cimetière. Sa tête s'inclina sur sa poitrine. Quand elle se redressa, l'expression de sa figure avait changé complètement. « Écoutez, ami Jeannin, reprit-elle avec sécheresse, il faut marier Jeannine à quelque honnête homme de sa condition. Il est temps, je le veux. » Chapitre 8. Compère Gillot. Le Mont-Saint-Michel était comme un géant sombre au milieu des grèves inondées de lumière. Sur le rocher noir, les hautes et fortes murailles se dressaient, surmontées par les édifices du monastère, au-dessus desquels l'église s'élançait hardiment. Au-dessus de l'église, la merveille tenait en équilibre son campanile fier, couronné par la statue d'or de l'archange. Les vitraux de l'église brillaient comme autant d'étincelles au milieu de cette masse sombre, et la statue ailée de Saint-Michel s'enflammait de tous les rayons de midi. Il y avait au dernier étage des bâtiments qui servaient de retraite aux religieux. Une petite cellule, dont la fenêtre étroite s'ouvrait sur la baie, on voyait de la Cancale, la Houle, les côtes de Chéruex, Tomblaine et les îles, quand le jour était clair. Cette cellule était si haut montée qu'elle atteignait presque la base du campanile. Un pauvre vieux moine convert l'habitait. Un moine qui avait été soldat dans sa jeunesse, car il contait de bonnes histoires de guerre. Ses jambes de 60 ans devaient peiner grandement quand il montait les centaines de marches qui conduisaient à son réduit. Mais il était encore vert et il avait du courage. On l'appelait frère Bruno. Ses ennemis, qui n'a pas d'ennemis en ce monde méchant, l'avaient surnommé Bruno la Bavette. Ce sobriquet faisait allusion au flux de paroles qui était la maladie chronique incurable de l'excellent moine convert. C'était à peu près l'heure où s'achevait le dîner des maîtres au manoir du Rose. Frère Bruno était seul dans sa cellule, ce qui ne l'empêchait point de causer très activement. « Oui, oui, bien, » disait-il en arrangeant les draps de sa dure couchette. « Oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, c'est moi qui me trompais, j'en conviens. C'est tout ce que peut faire un homme. Et en voilà assez, n'est-ce pas ? Puisque j'avoue que je me suis trompé, c'est fini. Errare humanum, comme dit le prieur. persévare a autem diabolicum, quoiqu'on se trompe souvent de bonne foi. Et alors ? Mais voilà, je croyais que c'était en l'an 28, et je me rappelle bien à présent que c'était avant ma querelle avec Benoît de Gévesé, qui me donna un coup de cisaille à couper les haies pour ce que j'avais crié à sa ménagère en sortant de vêpres. Dieu vous garde, ma jolie Catiche. Et ça me fait souvenir de son frère, le frère de Catiche, s'entend, qui était pour lors le beau-frère de Benoît, et qui s'appelait... Bernard, pardienne, mon vieux. Non, mon fils, ce n'était pas Bernard. Mais si, que nenni, je n'ai pas la berlue. Est-il entêté, ce vieux baudet? Bon, te voilà parti. Tu te mets en colère pour rien. On discute et on ne se fâche pas. C'est ma manière à moi. Si tu veux te fâcher, je n'en suis plus. L'interlocuteur à qui frère Bruno avait avoué loyalement qu'il se trompait était frère Bruno la Bavette. L'homme à qui frère Bruno reprochait avec modération ses emportements était pareillement frère Bruno. Le bonhomme était arrivé à cette suprême perfection de la science bavarde qui se passe de la réplique, ou plutôt qui se la donne. Narcisse s'admirait dans le cristal des fontaines. Le bavard, parvenu au summum de son art, n'a même pas besoin d'un écho pour prolonger son ingénieuse et solitaire causerie. Il cause, il discute, il prouve, il réfute. On a vu des bavards, dédaignant le duo monotone, se lancer dans le trio et aborder même les difficultés de la partie carrée. Entre tous les mortels, ces bavards sont heureux. La chaleur que frère Bruno mettait dans sa discussion avec lui-même l'empêcha d'entendre un bruit provenant de la marche d'un homme qui furetait avec précaution dans le corridor. Cet homme n'était ni un moine, ni un habitué du couvent, car il semblait aller un peu à l'aventure. Ce pouvait être un des nombreux pèlerins qui affluaient au mont depuis quelques semaines. Ce pouvait être aussi un vassal de la suite du roi de France. En admettant cette dernière hypothèse, le costume de notre homme ne faisait en vérité point d'honneur à la magnificence du plus puissant monarque de ce siècle. Il portait des chausses étriquées en futaine grise, qui accusaient un long usage et se pelaient aux jointures de ses jambes maigres. Son surcot de drap brun affectait au contraire une certaine ampleur. Sa coiffure était un bonnet à bateau dont les bords repliés carrément formaient cette visière tombante qui caractérise encore de nos jours les devantières des pêcheurs montois. Sur sa poitrine, entre les plis de son surcot, on apercevait pourtant les deux bouts d'une chaîne dorée qui devait soutenir un objet caché dans son sein. Ce personnage avait dans son allure quelque chose de particulièrement mystérieux. 15 ou 20 cellules donnaient sur le corridor. Notre homme en surcot brun marcha de porte en porte, lisant les noms de religieux écrits sur chacune d'elles. Frère Pacôme, frère André, frère Hiller, il passait. Ce n'était ni à frère Pacôme, ni à frère André, ni à frère Hiller qu'il voulait présentement parler. Enfin, il lut sur une des dernières portes frère Bruno. Il s'arrêta, et sa main sortit des larges manches de son surcot pour tirer la petite corde qui pendait au dehors et qui communiquait avec la targette intérieure. Mais sa main hésita au moment d'ouvrir, et il se prit à écouter. « Allons, grommela-t-il, voilà je ne sais combien de centaines de marches raides montées en pure perte. Le bonhomme n'est pas seul. »« Non, disait-on dans la cellule. Non, moi je ne comprends pas ça. Entre amis, pourquoi se disputer ?»« Mais qui songe à se disputer avec toi, mon cher camarade ?»« Toi, c'est clair. Pas du tout, c'est toi. Ton caractère est insupportable. » « Ah ça !» se dit notre homme en surcot brun, qui avait déjà fait 2 ou 3 pas pour se retirer. « Ces gens se querellent avec une seule voix. » Il revint et mit son œil au trou de la ficelle. Quand il se redressa, son visage bilieux et jaune, où brillait une remarquable intelligence, était éclairé par un rire silencieux. Il tira la ficelle sans plus hésiter et entra dans la cellule. « Oh, oh !» s'écria frère Bruno en interrompant brusquement la dispute commencée. « Bonjour, l'homme, vous auriez pu frapper avant d'entrer. » « Mon digne frère, commença l'étranger. « Bon, bon, l'ami, vous paraissez avoir la langue bien pendue, mais je n'aime pas beaucoup les bavards. »« C'est ce qu'on dit, mon frère. Pour ça, je suis bien connu. Donc, réglez-vous là-dessus, je vous prie, soyez bref, concis et précis. »« Je tâcherai, mon frère. »« Comment vous appelez-vous? Qui êtes-vous? Que voulez-vous? » « Mon frère... » répondit doucement l'étranger, que ce ton important du moine servant ne semblait offenser en aucune manière. « Je m'appelle Gillot, du nom de mon père, taillandé de fer à Tours en Touraine, et Pierre sur les fonds du Saint-Baptême. Je suis valet de maître Olivier Ledin, barbier juré du Rouen. et je viens de la part dudit maître Olivier pour vous demander des renseignements. » Maître Olivier Ledain et maître Tristan l'ermite, murmura le moine, le rasoir et la corde. Et pourquoi maître Ledain n'est-il pas venu lui-même ? Le service de sa majesté. Bien, bien, l'homme, vous devriez dire à votre honoré maître de vous faire un peu le poil, car vous l'avez long et rude. Pierre Gillot eut un humble et honnête sourire. Mon cher frère Bruno, dit-il, vous êtes d'un caractère joyeux et tout aimable. C'est le prieur claustral qui vous a indiqué à mon maître, lui disant que vous connaissiez par le menu toutes les familles des pays d'Aulois, d'Inanais et Malouin, sachant les chroniques. « Ah, la langue que vous avez, notre ami !» s'écria Bruno. « Mes oreilles en teinte !»« Quant à savoir de bonnes aventures, oui, oui, et des chroniques passablement. »« Pourquoi ? Parce que j'ai porté l'épée avant d'égrener le rosaire ?»« Vraiment ?» interrompit Pierre Gillot. « Pour Dieu, laissez-moi souffler un pauvre mot !» Vous me rappelez pour la figure que vous avez Citron et pour la voix que vous avez Doucette, le pauvre Alary de Tréguier qui fut pendu en l'an 36 pour le vol d'un encensoir à la chapelle de Saint-Gabin. Pierre Gillot se signa. Le vol d'un encensoir, mon frère, s'écria-t-il. Oh, fit Bruno mécontent, croyez-vous être meilleur chrétien que moi, l'homme ? Cela me fait souvenir. Pierre Gillot lui prit la main d'une façon tout insinuante. Souffrez que je m'acquitte de mon message, dit-il. Je ne suis qu'un pauvre serviteur, et si je tardais à revenir, on me gronderait. Parmi les familles de la frontière bretonne, j'entends les familles nobles, mon maître voudrait en trouver une, ou plutôt un membre de cette famille-là, qui fût en situation de tenter un coup hardi, pour acquérir une fortune nouvelle, ou pour reconquérir une fortune perdue. Oui, da, et c'est maître Olivier qui tient cette fortune dans sa main. Maître Olivier, ou le roi de France. Oui, da, répéta Bruno. « Eh bien, Pierre Gillot, mon ami, toutes les familles bretonnes, de même que toutes les familles des autres pays, aiment assez à faire fortune quand elles sont pauvres. Quand elles sont riches, elles ne répugnent pas beaucoup à augmenter leur domaine. C'est donc une question de hardiesse. »« Précisément. » »« Ou d'honneur, » acheva le moine convert qui regarda son interlocuteur en face. Celui-ci baissa les yeux. « Et peut-on savoir, mon ami Pierre Gillot, de Tours en Touraine ?» reprit Bruno. À quoi maître Olivier Ledain compte employer la susdite hardiesse ? À une œuvre loyale, mon frère, qui rapprochera le roi de France et le duc de Bretagne. Oh, que tu parles bien pour un valet de barbier, mon ami Gillot, que tu parles bien. Alors c'est une famille honorable qu'il te faut. Très honorable. Et dont le chef soit un peu prêt à tout, car c'est un homme que tu demandes. C'est un homme. Un chevalier ? S'il se peut, en tout cas un gentilhomme, qui ait ses entrées auprès du duc François. Ah, que je vois bien ton affaire, mon Gillot. Un trop grand seigneur ne te vaudrait rien. C'est vrai. Tais-toi, mon homme, ta langue te perdra. Un trop grand seigneur ne se risquerait pas assez, n'est-ce pas ? Mais un pauvre chevalier, brave comme un lion, ambitieux comme on l'est quand on a un fils de 18 ans qu'on voudrait mettre sur un trône, tant on l'adore, cet enfant-là, un chevalier connu personnellement du duc François, chéri de ses pères, idolâtré de ses vassaux. « Où est-il, ce gentilhomme ? » demanda Gillot vivement. « Où il est, mon compère Gillot, de Tours en Touraine ?» dit Bruno avec un sourire sec. « Il est là où nous irons tous, sur la semaine ou bien le dimanche, comme disait le greffier Rocher, qui était en même temps marguillier de l'église de Fougères. Il est au cimetière, là-bas, en la paroisse du Rose, qui était de son domaine. » Pierre Gillot avait froncé légèrement le sourcil. « Ah, mais !» s'écria le moine. « Voilà qui faisait un chevalier, ce messire Aubry de Kergariou. Le petit Jeannin du bourg des Quatre Salines, que j'appelais autrefois Peau de Mouton, à cause qu'il en portait une trouée en guise de surcot, mon compère, et qui est aujourd'hui un homme d'armes aussi robuste que Dunois ou Poton, mais je parle du temps passé. Le petit Jeannin m'a conté la mort de messire Aubry. Oh, mon compère Gillot, de Tours en Touraine, sa mort fut celle d'un héros et d'un saint. Ce fut devant Montlhéry, cette nuit où le roi Louis abandonna son camp et son armée pour se sauver en Normandie. » Pierre Gillot se détourna et fit mine de regarder la mer par la petite croisée de la cellule. « Messire Aubry, continua Bruno, avait été séparé de ses bonnes lances. Il était entouré par les Français, qui ne donnaient guère merci aux Bretons, vous le savez bien. Messire Aubry était seul avec maître Loïs, son grand lévrier noir, qui ne le quittait jamais et qui était déjà vieux. Ce maître Loïs a laissé une chienne, Dame Loïse, qui est au logis là-bas. Donc, la lance de messire Aubry se brisa, son épée se rompit, Sa hache d'armes tomba en morceaux avant qu'il eût une seule blessure. Mais quand sa main fut désarmée, on le perça tout à loisir. Le petit Jeannin courait les champs à la recherche de son maître. Il le trouva au milieu d'une demi-douzaine de Français, morts. Maître Loïs, éventré, baignait dans son sang et ne respirait plus. Mais Sir Aubry leva la tête et dit « Ma vie à Monseigneur le Duc, mon âme à Dieu, ma dernière pensée à Madame Reine et à mon cher enfant. » « Ah ah !» fit Pierre Gillot, qui écoutait avec résignation. « Il y a un enfant ? Un beau jeune gentilhomme. Quel âge a-t-il ? Attendez, mon compère. » Frère Bruno se mit à compter sur ses doigts. « C'était en l'an 50, murmura-t-il. 50, je dis bien. Le vieux seigneur Hugues de Morvert avait ajourné notre duc François Ier à comparaître dans 40 jours devant le tribunal de Dieu pour répondre du meurtre de son frère, M. Gilles de Bretagne. » Le duc François avait mis à prix la tête de M. Hugues. Le coquin de Méloire voulait épouser Reine, fille du vieux chevalier. Il se mit aux trousses du père pour avoir la fille. « Comment trouvez-vous cela ? » Les soudards de Méloire incendièrent le village de Saint-Jean et les vassaux de Morvert, quittant leur maison brûlée, vinrent se réfugier au rocher de Tomblaine avec leur maître. « Ah ah ! J'y étais aussi, car je m'étais échappé du couvent pour aller me battre. » De quoi, mon compère Gillot de Tours en Touraine, j'ai dû faire pénitence, c'est vrai, mais je m'en étais donné. Ah, glorieux archange ! Nous élevâmes un rempart en une nuit. C'est là que je vis bien que Jeannin, le petit coquetier, deviendrait un fier homme d'armes. Je lui disais, peau de mouton, mon ami, mais s'il fallait répéter tout ce que je lui dis cette nuit-là, nous resterions ici jusqu'à demain matine. Il y eut de bons coups. Le chevalier Méloire mourut ensablé par l'Élise, parce que Peau de Mouton, qui avait les cheveux blonds comme une fillette, s'était déguisé en fée des grèves pour tromper sa poursuite. « Mon compère, entendîtes-vous parler quelquefois de la fée des grèves ?»« Non, jamais, » répondit Pierre Gillot sans défiance. « Eh bien, » reprit frère Bruno la Bavette, « je vais vous compter par le menu 10 ou 12 bonnes aventures qui vont nous mener tout doucement jusqu'à l'heure du souper. Asseyez-vous là, mon compère. »« Mon bon frère, » répliqua Gillot, « je veux bien m'asseoir. » car je me plais singulièrement en votre compagnie, mais j'écouterai une autre fois vos aventures. Aujourd'hui, occupons-nous des ordres de mon maître. À votre volonté, mon ami. Dieu merci, je n'aime pas beaucoup raconter des histoires. Où en étions-nous ? À l'âge de l'enfant que vous vouliez connaître. Eh bien, l'enfant qui s'appelle Aubry, comme son père, peut avoir 17 ans et demi. C'est trop jeune. Il s'agit donc d'une bien importante besogne. Une affaire d'état. Aïe, mon compère ! S'écria le moine. Une affaire d'état menée par le daim le barbier. Ça doit être noir comme sac à charbon. Je ne suis pas encore descendu plus bas que l'église depuis l'arrivée du roi de France au monastère, car mes pauvres jambes n'en veulent plus. Mais j'ai ouï dire que cet Olivier le daim était l'âme damnée de son maître. Si vous connaissiez le roi, mon bon frère, commença Pierre Gillot. Je le connais de renommée, mon compère. Écoutez, interrompit Gillot. Le prieur m'a affirmé que vous étiez un homme de grand sens et de bons conseils. C'est donc pour me tenir en humilité chrétienne que le prieur me dit toujours à moi que je suis un vieux fou. Le temps me presse et mon maître m'attend. Avec vous, je ne veux pas aller par 4 chemins. Je suis venu parce que je sais que vous avez d'anciennes relations d'amitié avec ce Jeannin dont vous avez prononcé le nom. Jeannin des 4 Salines ? Jeannin, l'homme d'armes, qui sera chevalier demain si vous voulez. « Merci Dieu !» s'écria le moine, « si je le veux, Jeannin est la meilleure lance du monde entier, mon compère, et son cœur vaut 10 fois mieux que sa lance. » Mais il s'arrêta et regarda pour la seconde fois en face son mystérieux visiteur. « Mais depuis quand, acheva-t-il, les valets de Barbier, mon compère Gillot de Tours en Touraine, peuvent-ils conférer le noble ordre de chevalerie ?» Fin de la section 4.